Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 11 septembre 2019. Et oui, date fatidique s'il en est une, mais nous, mélomanes invétérés, on se prélasse, on se vautre dans la musique de toutes les époques. D'ailleurs, une petite pensée en passant pour Daniel Johnston, un artiste culte de l'underground, de la musique indépendante, un héros du lo-fi, un gars très particulier qu'on va faire jouer la semaine prochaine, qui est décédé très jeune aujourd'hui, à l'âge de 58 ans. Donc, une petite pensée pour lui en passant. Mais sinon, nous, ce soir, très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois pour se retrouver en amoureux de la musique. D'ailleurs, j'en parle pas assez sur les ondes. Honte à moi, mais je vous invite à adhérer tout de go et en grand nombre au fameux groupe Méloman Facebook pour plein de belles exclusivités, du contenu musical à la semaine longue. C'est un groupe interactif, donc vous pouvez nous partager tout ce que vous trouvez de musical sur le net. Une chanson que vous avez découverte récemment ou que vous voulez nous faire découvrir, des articles, des mèmes, des extraits de concerts, bref. Vous voyez le topo, une belle communauté qui, d'ailleurs, va bientôt atteindre un beau gros chiffron si tout le monde met l'épaule à la roue. Donc, raison de plus, adhérer, partager, ça coûte rien. Et plus on est de fous, plus on rit. Et en ce qui nous concerne, ma belle gang de mélomanes, on est des fous de la musique et on va être servis ce soir encore une fois. On part sur les chapeaux de roue, trois hits de 1963, back à back. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy when you go one, two, three, ba-ba-ba-ba-ba. You mean ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a ba-ba-ba-boom-boom and a ba-ba-ba-boom-boom-bong. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll, ba-ba-ba-ba-ba. No, no, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing or when he goes hi-yi. spaceman. I'm asking just one thing, will you teach me? Yeah, the way you sing. Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman. Mr. Bassman, I really think I'm with it. Boom, boom. Call Mr. Bassman. Now I'm a bassman. That's it. Now you. With me. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing, or when he goes hi-yi. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing, will you teach me? Yeah, the way you sing. Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. That is blah blah blah blah blah. Yeah, Mr. Bassman, I think I'm really with it. Boom boom and boom boom. Come on, Mr. Bassman, now I'm a bassman too. Now you. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird. Bird is a winner. Well, a bird. Well, a bird is a winner. Ça compliquait bien un peu la vie, trois garçons.

Well, let's face it, most of the time it's a man who makes it crooked in the first place. We don't mean no harm, that's just the way we are. Sometimes we do have a tendency to sort of take you for granted, don't we? Always acting like we don't understand some things. But I believe a woman feels things deeper than a man. I don't care what nobody says. I believe a woman loves stronger than a man. 'Cause you see, sometimes we just don't seem to understand. I know, because you see, I'm speaking from experience. 'Cause I came home one day and my woman was just going all around the house, not having very much to say. And I was kind of puzzled. I didn't know what to do. So I looked her straight in the eye and I said, "Sit yourself down, girl, and talk to me. And tell me what's on your mind. Don't you keep on telling me everything's okay. 'Cause if it wasn't, you wouldn't be crying. You've been tossing and turning in your sleep lately, baby. Sitting around pouting all day long. Now how the hell you expect me to understand when I don't even know what's wrong? Let's straighten it out. Ça, c'était du bloc, mesdames et messieurs. Méloman est tombé sur la tête en studio ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9, ou, je le dirai jamais assez, en direct sur CFNJ.net. C'est ça qui permet à des gens de n'importe où dans le monde de pouvoir partager ce beau moment avec nous. Beau moment intense qu'on vient de vivre d'ailleurs avec Let's Train It Out. Avec Lattimore, on était en 74 avec le chanteur blues R&B en ce qui nous concerne, Larry Moore, qui a d'ailleurs été intronisé au Blues Hall of Fame en 2017. Une chanson qui est arrivée à point et qui nous a laissé souffler un peu, vous l'avez sûrement remarqué, parce que juste avant ça, on a eu droit à tout un marathon qui a monté dans les années de 63 à 71. Plus rétro un peu, mais ô combien énergique qu'on a commencé ça avec un groupe qui sera toujours cher à mon cœur. Et j'ai nommé les Ventures, groupe instrumental par excellence des années 60, qui, et ça c'est important de le dire, a précédé de quelques années la fameuse vague surf qui a déferlé sur l'Amérique pendant 2-3 ans dans les années 60, parce que la vague surf a été intense, mais de courte durée, mais les Ventures, eux, existaient avant et ont continué d'exister par la suite. Ils existent toujours, d'ailleurs, je pense, mais peut-être pas avec les membres originaux. Mais ça les a pas empêchés d'emboîter le pas quand la mode surf est arrivée avec leur album Surfing de 63, sur lequel on pouvait retrouver la pièce qu'on a entendue, Cruncher, avec un magnifique solo de batterie, l'incroyable Mel Taylor, très influencé par des légendes comme Gene Krupa et Buddy Rich, bien sûr. Petite anecdote personnelle, en passant, j'ai découvert les Ventures grâce à une cassette de mon oncle Michel Poitras, pour ne pas le nommer, et j'ai longtemps cherché le titre de la chanson qu'on a entendue ce soir. À cause de son écriture illisible, je savais pas si c'était Launcher ou Rancher. Eh ben non, c'était Cruncher. Et ça fait pas si longtemps que je l'ai trouvé, je vous dirais. Très content quand je l'ai trouvé. Et sinon, ben, c'était suivi de Johnny Cymbal avec Mr. Bassman. Et imaginez-vous donc que le Bassman en question, l'homme à la voix basse, là, qui fait l'intro, était même pas crédité sur l'enregistrement originellement. Eh bien, permettez-moi de corriger le tir. Quelques 56 ans plus tard, le bassman en question était Ronnie Bright, décédé en 2015. Un gars qui avait quand même chanté avec les Cadillacs, les Valentines, des groupes un peu doo-wop. Et la deuxième mouture des excellents Coasters. Donc voilà, faut bien remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Et sinon, ben, toujours la même année, 63, la seule et unique Surf and Bird des Trashmen, punk avant leur temps, et qui va toujours rester la version définitive. Il y a bien des groupes de punk qui l'ont reprise, dont les Ramones et les Cramps, mais l'original est tellement unique qu'il n'y a aucune version qui arrive à sa cheville. Et sinon, ben, deux chansons que je mets souvent une à la suite de l'autre pour leur vibe semblable, leur petit côté exotique. On s'est dirigé respectivement en 68 et en 71 avec la magnifique Marie Laforêt, Ivan Boris et moi, suivi d'une jeune Cher avec son succès Gypsies, Tramps and Thieves. Mais vous commencez à savoir, on n'est pas arrivé au bout de nos peines encore. On s'en va complètement ailleurs avec une chanson qui datait originalement de 1962. Une pièce très jazz, typique de l'époque, hard bop. Mais en 73, notre jeune compositeur décide de la remanier à la sauce funk. Vous écouterez, tout est dans l'interaction entre les instruments. On écoute Watermelon Man de la légende Herbie Hancock en 99.1 et 88.9 CFNJ. Oh,

that roll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right. Et vous êtes toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ en plein mélomane. Mélomane qui se permet de faire une petite plug personnelle ce soir. Imaginez-vous donc, j'étais en train d'oublier, mais le bassiste d'une formation dans laquelle je joue, qui me parle sur Facebook comme plusieurs auditeurs, me fait penser à ça. Si ça vous tente de venir nous voir, un hommage aux Doors, samedi qui s'en vient, le 14, le Saint-Laurent, bar spectacle, Repentigny, 283 rue Notre-Dame, c'est à 22h, si je ne m'abuse, donc on serait très content de vous voir là. Et sinon, ben nous, on revient avec une chanson qui nous vient d'un film de 1969, du nom de Slogan. D'ailleurs, la pièce qu'on a entendue s'appelle tout simplement la chanson de Slogan. Il s'est pas cassé la tête, ce coup-là, du duo de légende qui était Jane Birkin et Serge Gainsbourg en pleine phase 69, année érotique. classiques. Oui, ils vont nous pondre une flopée de classiques. Chose qui était précédée de nul autre que Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, qui, lui, était au sommet de sa phase surréaliste, à outrance, selon certains. Les anglo-saxons diront « Stream of Consciousness » tiré de l'album « Highway 61 Revisited » de 1965. On a entendu le fameux « Tombstone Blues ». D'ailleurs, ça serait dur pour moi de vous faxer l'image à la radio, mais vous irez voir à la pochette de l'album si vous avez une chance et portez attention à ce que Dylan tient dans ses mains. Ça pourrait expliquer bien des choses. Bref, sinon, complètement ailleurs, juste avant, avec un petit bijou, une de mes préférées, un petit bijou de la synth pop suédoise avec Flash in the Night du groupe Secret Service en 1982. Et sinon, ben nous, du funk, du soul, du R&B, on écoute un gros classique de la soul de Chicago, mais juste avant, le seul et unique Stevie Wonder au 99.1 CFNJ. Yeah. 1 month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on the radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Chaudière pour les prochaines heures, c'est nuageux, 40% de probabilité d'averse, minimum de 9 à 12 degrés. Dégagement et du soleil pour jeudi, maximum de 18 à 20 degrés. Et ensoleillé vendredi, maximum de 19 à 21. CFNJ 99 Et vous êtes toujours à Mélomanes où on vient d'entendre encore une fois un bloc complètement disparate et ô combien imprévisible. Le tout s'est terminé avec notre jeune René Simard national au sommet de sa gloire en 1974, où d'ailleurs il va recevoir le grand prix du Festival international de la chanson de Tokyo des mains de nul autre que Frank Sinatra. C'est quand même pas rien, on l'oublie souvent, mais à cette époque-là, c'était une superstar. Et j'imagine que notre petit René s'était fait une blonde parmi ses nombreuses admiratrices là-bas. C'est pour ça qu'on a entendu ma petite japonaise, qui était précédée ici de Soul Sacrifice par Santana à leur tout début en 1969. D'ailleurs, anecdote en passant, ils vont interpréter cette pièce-là à un moment où ils sont pas du tout connus du grand public, au fameux festival de Woodstock. Seul problème, c'est que Carlos Santana a ingéré une substance, LSD, mescaline. Ça dépend de la version de l'histoire, juste comme on lui dit, qui vont devoir monter sur la scène plus tôt que prévu. Bref, pas le choix de faire le show quand même, the show must go on, comme on dit. Il monte sur scène et Carlos voit son manche onduler comme un serpent tout le long de sa performance devant quelques 500 000 personnes. On ose à peine imaginer comment ça a dû être bad trippant, c'est le cas de le dire. Heureusement, ça paraît pas du tout dans la performance quand on regarde le fameux film du spectacle, mais ça n'a pas empêché Carlos Santana de s'en repentir et de se promettre à partir de ce moment-là de plus jamais monter sur scène en ayant ingéré quelque chose de la sorte, du moins jamais rien d'aussi fort. Donc voilà pour la petite histoire de Soul Sacrifice, qui était précédée ici de l'ensemble vocal Soul de Shy Lights avec leur classique Have You Seen Her de 1971, souvent faussement attribué aux Stylistics, les maîtres de la Philly Soul, le Soul de Philadelphie. Mais les Shy Lights, eux, nous viennent de Chicago. Et sinon, tout ça a été amorcé de main de maître par le seul et unique Stevie Wonder avec All Day Soccer, qu'on pouvait retrouver originalement sur Something's Extra, un disque de 7 pouces, en fait, qui venait en plus des deux disques déjà bourrés de bijoux de l'album légendaire Songs in the Key of Life de 1976, facilement un des meilleurs albums doubles des années 70. Et presque de tous les temps, mesdames et messieurs. Et parlant d'extra, on y va avec une chanson rare qui a souvent été coupée de la version vinyle et cassette du dernier album du groupe en carrière. On écoute de 1983, album Synchronicity, Murder by Numbers du groupe The Police au 99.1 CFNJ. Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. And if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. Just do it with a little more finesse. You can slip a tablet into someone's coffee, and it'll poison an awful lot of mess. Because it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. You have a taste for this experience, and you're flushed with your very first success. Then you must try a twosome or a threesome. You find your conscience bothers you much less, because murder illustrious in history's great dark hall of fame. All our greatest killers were industrious. Top of your profession, if you become the leader of the line, for murder is the sport of the elected, and you don't need to lift a finger of your hand, because it's murder by numbers. 1, 2, 3 is as easy to learn as your ABC. Time to risk a life, a life.

it won't be long. Yeah, she's au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. We'll be right back. Et c'est un gros bloc bien charnu qui vient de s'achever, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ en plein mélomane. Vous les avez probablement reconnus, c'est Supertramp qu'on vient d'entendre avec Child of Vision, une pièce qui venait clore l'excellent album Breakfast in America de 1979. Dernier album avec Roger Hodgson à bord du groupe. Pas mal le dernier bon album de Supertramp d'ailleurs, selon plusieurs, mais tout un album. Et juste avant ça, on a entendu un groupe que je vous invite ardemment à découvrir. J'en avais déjà fait jouer à l'occasion l'émission à l'époque. Un groupe complètement déjanté et super original du nom de Sparks et de qui on a entendu le plus grand succès ici avec This Town Ain't Big Enough for Both of Us de 1974 où, vous l'avez peut-être remarqué, on a fait un rappel du thème du Japon, de la petite japonaise de tantôt, mine de rien. Et la légende veut que le gérant de Sparks aurait gagé avec Elton John que This Town Ain't Big Enough deviendrait un top 5 en Grande-Bretagne. Elton John aurait voté que non et il aurait perdu. Et sinon, ben, toujours en Grande-Bretagne, juste avant, les géants du rock progressif avec une pièce plus obscure quand même, Genesis avec Anyway, tiré de l'album double The Lamb Lies Down on Broadway de 1974, dernier opus sur lequel on va retrouver l'iconoclaste Peter Gabriel. Une chanson qui est également, élégamment plutôt, précédée par le grand Claude Léveillé et sa légende du cheval blanc de 1962. Claude Léveillé, de qui j'ai eu l'honneur de signer le livre d'or quand il était exposé à la Place des Arts. Lors de son décès, évidemment, grand monsieur, auteur, compositeur, poète, acteur qui a marqué le Québec. Et sinon, ben, on était complètement ailleurs juste avant avec Tinita Tikaram et son méga hit de 1988, Twist in My Sobriety, une chanson où on peut entendre du hautbois joué par Malcolm Messiter, d'ailleurs, un instrument qu'on entend très rarement dans le pop, disons. Et pourtant, c'est si beau. Je vous ferai peut-être jouer d'ailleurs prochainement une chanson de Paul Simon qui me vient à l'esprit avec du hautbois. Si je me trompe pas, c'est I Do It For Your Love, 1975, sur l'album Still Crazy After All These Years. On fera jouer ça, on fera tourner ça prochainement. Et puis tout ça amorcé dans notre bloc avec The Police, en 1983, avec Murder by Numbers. Mais là, décidément, ce soir, il y a pas mal de soul. On y va avec le soul profond de chez Stax. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, on avait fait un spécial sur la maison disque Stax il y a très longtemps de ça. Ça vaudrait quasiment la peine de remettre ça d'ailleurs. C'est un pensez-y bien. Avec une reprise à sa manière d'un classique de Burt Bacharach. On écoute Isaac Hayes, 99.1 et 88.9 CFNJ. and walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. You just let it be in private, 'cause each time walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Sure, let me hide the tears and the sadness. But you gave me when you said goodbye. Oh, mama, walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. Please, oh, walk on. Walk on by. capacity. Yip, yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde, relish, pis talus, quand y est assou. Do you want a shot? Yes, why not? Sans dire un mot, Edmond a sacré le camp. Il est parti pour l'Ontario ouvrir un restaurant. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. One hamburger, moutarde, relish, pis et talus quand il est assous. Do you want a shot? Yes, why not? Les poches bien pleines et puis la tête dorée, on leur connaît sa bulle. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Mais là c'était vrai, puis ça n'était triste, puis était même pas sous. Do you want a shot? Yes, why not? Edmond est disparu. Avec lui, escadine, patché, puis on l'a jamais vu. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde, relish, puis est à l'os quand il est dessous. Do you want a shot? Yes, why not? Quand Edmond est mort, par la langue, la Edmund passed away. Sometimes et pourquoi pas un classique de Jean Lapointe qu'on n'entend quasiment plus tourner à la radio? Eh bien, c'est à Mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9 que vous l'aurez entendu et que vous l'aurez entendu sûrement à l'occasion parce que c'est facilement de mes préférés de lui. Mon oncle Edmond de 1976 qui était précédé en 1969 d'un classique du soul profond de Memphis. On a entendu Isaac Hayes avec sa reprise bien à lui de Walk On By, composition de Burt Bacharach et Hal David, originellement popularisé par Dionne Warwick, la muse de Bacharach. D'ailleurs, note à moi-même, Bacharach mériterait son spécial mélomane à lui tout seul, tout comme la maison Stax dont on parlait tantôt. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite, ça va brasser. On va y aller avec le retour des radios pirates, un peu plus abrasif qu'à l'habitude, qui sera probablement suivi de près par un spécial blues que je vous concocte tranquillement avec amour dans mon sous-sol de mélomane. Mais là, on est obligé de se dire bonne nuit et à mercredi prochain, 20h, je vous laisse avec quelque chose que vous n'entendrez pas souvent à la radio, tiré d'un album qui a marqué la transition du jazz au jazz rock, 1969, Chick Corea, Herbie Hancock, John McLaughlin, mais surtout Miles Davis, 99.1 CFNJ. Bonne nuit. Thank you.